Chapitre 3e. Avant l'heure du dîner, le lieutenant passa par le bazar et, après avoir obstinément marchandé, il acheta une petite croix en or pendue à un velours noir. Bien qu'elle affirme, se disait-il, qu'il ne lui faut aucun cadeau, nous savons ce que cela veut dire. Du reste, si elle a une âme si désintéressée, Émilie ne fera pas fi de l'objet. Vers les 6 heures du soir, le lieutenant se rasa avec un soin extrême, envoya chercher un coiffeur du voisinage et lui recommanda de bien friser et bien pommader son toupet, ce que l'autre fit en conscience et sans épargner le papier officiel de la couronne dont il fit des papillotes. Ensuite, le lieutenant endossa son uniforme le plus neuf, prit dans sa main droite une paire de gants qu'il n'avait pas encore portés et après s'être bien aspergé d'eau de lavande, il sortit de la maison. S'il avait soigné sa toilette beaucoup plus que lorsqu'il faisait la cour à sa Zuckerpüppchen, ce n'était pas que Colibri lui plut davantage, mais il y avait dans celle-ci quelque chose qui excitait même l'imagination paresseuse de notre officier. Madame Fritsche vint à sa rencontre selon sa coutume, et comme s'ils se fussent mis d'accord pour un mensonge convenu, elle lui annonça qu'Elimis s'était encore absenté pour quelques instants et qu'elle le priait de l'attendre. Le lieutenant inclina la tête en signe d'assentiment et prit place sur une chaise. Madame Fritsche sourit de nouveau, c'est-à-dire montra ses longues dents jaunes et se retira, mais sans lui offrir de chocolat cette fois. Aussitôt, le lieutenant fixa ses regards sur la porte mystérieuse. Elle restait fermée. Il toussa 2 fois pour annoncer son arrivée. La porte ne s'ouvrit point. Il retint sa respiration, tendit l'oreille, rien. Pas le moindre léger bruit. On eût dit que tout était mort alentour. Le lieutenant se leva, s'avança sur la pointe des pieds vers la porte, chercha à tâtons le bouton de la serrure et, n'en trouvant pas, poussa la porte du genou. Elle résista. Il se pencha alors et, d'une voix basse, étranglée, il prononça 2 fois « Colibri, Colibri !» Aucune réponse. Alors il se releva, tira des 2 côtés les basques de son uniforme, puis, frappant cette fois du talon sur le plancher, revint près de la fenêtre et se mit à tambouriner sur les vitres d'un air dépité. L'honneur militaire blessé se révoltait en lui. « Diable, pour qui me prend-on? S'il en est ainsi, je vais frapper à poing fermé. Elle sera bien obligée d'ouvrir. Et si la vieille sorcière nous entend, ma foi, tant pis, ce ne sera pas ma faute. » Il fit brusquement volte-face. La porte était ouverte à demi. Aussitôt, le lieutenant, se remettant sur la pointe des pieds, s'élança vers la chambre secrète. Sur le sofa, vêtu d'une robe d'un jaune éclatant, la taille serrée par une large ceinture rouge, était couché Colibri, qui, se cachant le bas du visage avec son mouchoir, riait aux larmes, mais sans bruit. Elle avait cette fois-ci arrangé sa chevelure. Elle en avait fait 2 grosses et longues tresses entrelacées de rubans rouges. Ses souliers rouges de la veille se voyaient à ses petits pieds qu'elle tenait croisés l'un sur l'autre. Mais les pieds étaient nus. On eût dit qu'elle avait mis des bas de soie brune. Le sofa était placé autrement que la veille, plus près du mur, et sur la table, un plateau du Japon portait une cafetière au large ventre, un sucrier en cristal taillé et 2 toutes petites tasses en porcelaine bleue. Sur la même table était posée la guitare et une fumée grisâtre s'élevait en fine spirale de la pointe d'une pastille de l'Orient. Le lieutenant, qui avait embrassé tous ces objets du premier regard, s'approcha du divan. Mais avant qu'il eût le temps de prononcer une parole, Colibri avança la main sans cesser de rire dans son mouchoir, et enfonçant ses petits doigts durs dans les cheveux du lieutenant, détruisit d'un tour de poignet tout le bel édifice de sa coiffure. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria le lieutenant, fort peu satisfait d'une familiarité si déplacée. « Voyez-vous l'effronté ?» Colibri découvrit son visage. « Auparavant, mal, » dit-elle. « Comme cela, mieux. » Elle se recula vers un bout du sofa et replia ses jambes sous elle. « Asseyez-vous là, là-bas. » Le lieutenant s'assit à la place qu'elle lui désignait. « Pourquoi donc m'éloignes-tu » demanda-t-il après un court silence. « As-tu peur de moi ?» Colibri se pelotonna comme un chat et le regarda de côté. « Moi, non. Tu ne dois pas faire ainsi la sauvage. » continua le lieutenant d'un ton paterne. « Tu te souviens, n'est-ce pas, de ta promesse d'hier ?» Colibri serra ses 2 genoux dans ses bras, posa la tête dessus et regarda encore de côté. « Je me souviens. » « Dans ce cas, » fit Yargunov, prêt à s'avancer. « Pas si vite, signor !» Colibri dégagea ses 13 cheveux dont elle avait enlacé ses genoux et du bout de l'une d'elles lui cingla la main. Le lieutenant resta tout penaud. « Quels yeux elle a, la mauvaise !» murmura-t-il involontairement. « Mais alors, pourquoi m'as-tu fait venir ?» Colibri tendit le cou avec un mouvement d'oiseau et se mit aux écoutes. « Émilie ?» dit le lieutenant d'un air effaré. « Quelque autre ?» Colibri haussa les épaules. « Mais tu entends quelque chose ?» reprit Yergunov. « Rien. » Elle retira avec un autre mouvement d'oiseau sa petite tête de forme allongée, dont les tresses épaisses étaient séparées par une raie soigneusement faite, qui se perdait dans un fouillis de petits cheveux frisés couvrant la nuque. « Rien !» répéta-t-elle en se pelotonnant de nouveau. « Personne !» dit le lieutenant. « Je puis donc ?» Il étendit la main et la retira aussitôt. Une goutte de sang se voyait sur son doigt. « Quelle bêtise ! » s'écria-t-il en secouant la main. « Toujours vos éternelles épingles !»« Mais quelle maudite épingle est-ce cela ? » ajouta-t-il en voyant une espèce de dard en or qu'elle replaçait dans sa ceinture. « C'est un poignard, c'est un aiguillon. Et toi, tu es une guêpe, entends-tu, une guêpe ?» Colibri sembla goûter fort la comparaison du lieutenant. Elle rit de son petit rire cristallin. « Oui, je piquerai, je piquerai. » Yergunov la regarda de travers. « Elle rit, pensa-t-il, et le visage reste toujours triste. « Regarde un peu ceci, » ajouta-t-il à voix haute. « Quoi ?» demanda Colibri avec son expression enfantine. « Ceci. » Et le lieutenant tira de sa poche la petite croix d'or qu'il fit briller en la tournant en l'air entre ses doigts. « C'est joli, n'est-ce pas ?» Colibri leva les yeux d'un air d'indifférence. « Ah, une croix, » dit-elle, « nous n'en portons pas. »« Comment ? Vous ne portez pas de croix ? Tu es donc une juive ou une turque ?»« Nous n'en portons pas, » répéta Colibri. Puis se levant tout à coup et regardant en arrière par-dessus son épaule, « Voulez-vous que je chante ? Je vais chanter. » Le lieutenant remit précipitamment la croix dans sa poche et se retourna aussi car il avait cru entendre une sorte de craquement dans le mur. « Quel bruit fait-on là ?»« Souris, souris !» se hâta de répondre Colibri. Puis de la façon la plus inopinée pour le lieutenant, elle lui enlaça la tête de ses bras souples et lisses et d'un rapide baiser lui brûla la joue comme avec un fer rouge. Il serra Colibri à son tour, mais elle glissa de son étreinte comme un serpent, chose facile avec sa taille mince et onduleuse. « Attends, attends, » dit-elle à voix basse. « Auparavant, du café. »« Quelle idée ! Après ? Non, tout de suite. »« À présent brûlant, froid plus tard. » Elle saisit la cafetière par l'anse et se mit à verser de haut dans les deux tasses. Le café tombait en jet tordu et fumant, et Colibri, penchant la tête sur son épaule, le regardait tomber. Yergunov jeta un morceau de sucre dans la tasse qu'il avala d'un trait. Le café lui sembla très fort et très amer. Colibri le regardait faire en souriant et en dilatant ses narines au-dessus de la tasse qu'elle avait portée à ses lèvres et qu'elle reposa lentement sur la table. « Pourquoi ne bois-tu pas ? » demanda le lieutenant. « Moi, peu à peu. Mais voyons, assieds-toi donc enfin près de moi, » dit le lieutenant en frappant de la main sur le sofa. « À l'instant !» Elle étendit la main et sans quitter Yergunov des yeux, elle prit sa guitare. « Avant, je vais chanter. »« Oui, oui, mais assieds-toi. » « Et je vais danser, veux-tu ? Tu danses ? Ah, je voudrais bien voir cela. Pourtant, si tu dansais après ? Non, non, mais je t'aime beaucoup, moi. Vraiment ? Allons, danse, obstiné que tu es. » Colibri se plaça de l'autre côté de la table, et après avoir pris quelques accords, elle entonna, à la grande surprise du lieutenant, qui attendait quelques chansons gaies et animées, une sorte de récitatif lent et monotone, accompagnant chacun de sons qui semblaient sortir avec effort de son gosier d'un balancement mesuré de tout son corps à droite et à gauche. Elle ne souriait point. Elle avait même rapproché ses sourcils hauts et arqués, entre lesquels se voyait distinctement un petit signe de couleur bleue, semblable à une lettre de quelque langue orientale, qui avait été probablement tracée avec la poudre. Elle avait presque fermé les yeux, mais ses prunelles brillaient encore d'un éclat morne entre ses paupières abaissées, et il s'obstinait à regarder le lieutenant avec la même fixité. Lui aussi ne pouvait détacher les yeux de ses yeux magnifiques et menaçants, de ce visage basané qu'une faible rougeur colorait de plus en plus, de ses lèvres à demi ouvertes et immobiles, de ses serpents noirs qui se balançaient en cadence aux deux côtés de sa tête élégante. Colibri continuait ses mouvements sans quitter la place. Ses pieds ne faisaient que se soulever tantôt sur la pointe, tantôt sur le talon. Une fois seulement, elle se tourna avec violence et poussa un cri perçant en agitant la guitare au-dessus de sa tête, et de nouveau reprit la même danse balancée avec le même chant lent et monotone. Cependant, Yergunov était assis très commodément sur le sofa et continuait sans mot dire à regarder Colibri, Il éprouvait une sensation étrange et inaccoutumée. Il se sentait libre et léger, presque trop léger. Il n'avait plus de corps, il nageait dans l'espace. En même temps, de petites fourmis froides lui glissaient le long du dos. Je ne sais quelle agréable défaillance énervait ses jambes, et la somnolence lui chatouillait les coins des lèvres et des yeux. Il ne désirait plus rien, ne pensait plus à rien, il se sentait bercer doucement, et murmurait du bout des lèvres « Oh, mon petit joujou !» De temps à autre, le visage du petit joujou semblait se voiler. « Pourquoi donc ?» se disait le lieutenant. « Ah, c'est de la fumée. Il y a ici de la fumée bleue. » Et quelqu'un se remettait à le bercer et à lui murmurer à l'oreille des mots agréables qui commençaient et ne finissaient point. Mais voilà que tout à coup il voit les yeux du petit joujou s'ouvrir, énormes, d'une grandeur démesurée, comme les arches d'un pont. La guitare roula, et se heurtant sur le plancher, sembla résonner des dernières profondeurs de l'abîme. Je ne sais quel ami, le plus intime du lieutenant, l'embrassa tendrement et fortement par derrière et lui arrangea le nœud de sa cravate. Puis il aperçut tout contre son visage les moustaches épaisses, le nez crochu et les yeux perçants de l'inconnu aux trois boutons d'argent, et bien que les yeux fussent à la place des moustaches et les moustaches à la place des yeux, bien que le nez fût également renversé, le lieutenant ne s'en étonna point. Il trouva même que ce devait être ainsi et fut sur le point de dire à ce nez « Bonjour, frère Grégoire ». Mais il ajourna cette intention et préféra partir immédiatement avec Colibri pour Constantinople afin d'y célébrer leur mariage, Colibri étant turc et lui venant d'être fait mahométan. Cela lui fut d'autant plus facile qu'un petit bateau se présenta. Il y porta le pied et bien que par maladresse il se fût heurté à ce point qu'il ressentit une douleur si vive qu'il ne savait plus où en étaient ses membres, il se remit en équilibre et s'étant assis sur un petit banc qui se trouvait à la poupe du bateau, il se mit à descendre ce même grand fleuve, qui sous le nom de fleuve du temps, se voit accroché dans les collèges de Nikolaïev et qui mène droit à Constantinople. Cette navigation lui causait un plaisir extrême. Il rencontrait à chaque instant de grandes sarcelles rouges qui, par malheur, ne se laissaient pas approcher et plongeaient aussitôt, ne laissant leur place que de larges taches sanguinolentes. Colibri voyageait avec lui. Mais désireuse d'éviter la chaleur, elle avait pris place dans l'intérieur du bateau et de temps en temps frappait de petits coups contre le fond. Voici enfin Constantinople. Les maisons sont comme il convient aux maisons d'être en forme de chapeau tyrolien et tous les Turcs ont des faces si larges et si graves. Seulement il ne faut pas les regarder trop longtemps. Bientôt elles se déforment, font des grimaces et fondent comme des tas de neige au printemps. Voici le palais qu'il va habiter avec Colibri. Comme tout y est bien arrangé, des épaulettes partout, des soldats chevronnés sonnant de la trompette dans tous les coins, et naturellement, sur tous les murs, le portrait de Mahomet en général russe. Mais pourquoi Colibri court-elle devant lui de chambre en chambre, traînant ses queues après elle? Et pourquoi ne veut-elle pas se retourner? Et puis elle rapetisse toujours. Ce n'est plus Colibri. C'est un petit gentilhomme en veste ronde, et il est son gouverneur. Et le voilà forcé de grimper après lui dans l'intérieur d'une lunette d'approche, et cette lunette se resserre de plus en plus. On ne peut plus s'y mouvoir, ni en avant, ni en arrière, on ne peut plus respirer, et un poids énorme s'écroule sur son dos. Il a la bouche pleine de terre.